Vendredi 18 avril 2014, vous écoutez La vie en BD. Bon vendredi à tous et à toutes. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30. Après marathon au fil du 28e Festival de la bande dessinée francophone de Québec, ben nous sommes de retour en studio ici au 89.1 CKRL. Et je sais pas pour vous, mais de notre côté et de mon côté particulièrement, ben on a bien profité de cette occasion, de cet événement. Et maintenant, ben, on va replonger dans nos sorties, replonger dans les parutions récentes parce qu'il y en a eu beaucoup. Il y en a eu pas mal, donc au fil des dernières semaines, on retombe ici à La vie en BD en mode rattrapage autour justement de l'univers du 9e art. Et cette semaine, ben deux parutions donc assez récentes, l'une qui est arrivée pratiquement en même temps que le festival, ça s'appelle BDQ, donc Histoire de la bande dessinée québécoise, premier tome des origines à 1979, un ouvrage, ma foi, fort imposant, colivré chez Mémoire Michel Viau, donc qui s'intéresse évidemment à l'histoire de la BD. Alors, on en parle avec lui tout à l'heure. On aura le plaisir d'être en sa compagnie. Également, de passage, bande dessinée qui a été bien remarquée, je pense, au fil du Salon du Livre. Il s'agit d'un premier album pour la BDiste de Québec, Bac. Ça s'appelle « C'est pas facile d'être une fille » chez Mécanique Générale. Et c'est en lien avec le travail qu'elle offre sur le web depuis déjà plusieurs années. Alors, on va en discuter avec elle. Et également, en fin d'émission, on aura le plaisir d'échanger BD avec Marco Duchesne. Et ses commentaires et ses regards sur des sorties récentes. Alors voilà pour le menu de cette semaine. Je mentionnais évidemment la 27e édition du Festival de la BD. On a vécu le marathon et semble-t-il que vous avez été nombreux d'ailleurs aussi à le vivre. De votre côté, dans le bilan général du Festival et du Salon du Livre, on parle de 66 000 visiteurs dans l'espace du Centre des Congrès, dont 24 000 jeunes qui ont arpenté les allées pour participer aux diverses activités offertes, rencontrer les auteurs. Dans l'espace Salon, le Festival rappelle qu'ils ont proposé près de 100 animations, 120 auteurs de bandes dessinées ou presque qui étaient présents. Le directeur général de l'événement, Thomas-Louis Côté, dit d'ailleurs, et je cite, « La présence d'auteurs comme Adam Rosinski ou Jean-Claude Fournier, de même que Michel Rabagliati, Delafay Dubuc ou Julie Rochelot, ont assurément créé un engouement pour les amateurs du 9e art de tout âge. » Alors, on parle d'ailleurs d'une demande qui a été si grande pour rencontrer certains auteurs que l'organisation a dû mettre en place des mesures exceptionnelles, notamment des tirages, pour permettre aux gens de pouvoir circuler dans les allées. Alors, c'est quand même pas rien. Et parallèlement, eh bien, on parle aussi donc du festival qui réussit à s'imposer selon l'organisation là, comme un événement littéraire majeur. Plusieurs présentations, plusieurs événements dans l'espace salon comme à l'extérieur du Salon du Livre qui ont fait salle comble. Alors, on parlait quand même d'une programmation imposante côté spectacle. On vous en a parlé largement d'ailleurs ici à La Vie en BD. Un spectacle strip présenté au Petit Champlain en collaboration avec Burlestaculaire qui a fait salle comble. La soirée La Fièvre des Planches qui a attiré plus de 400 personnes vendredi soir dernier au Musée de la Civilisation. C'est un spectacle qui était présenté en collaboration avec Parenthèse 9. On parle d'impro BD aussi qui a su maintenir son public fidèle. Et d'ailleurs, M. Côté dit toujours selon le communiqué, je cite, « Le festival va certainement développer le volet spectacle de plus en plus dans les prochaines années. Le succès remporté par les différentes présentations démontre que le public est friand de ce type de rencontre entre le 9e art et d'autres disciplines. » Alors ben voilà. Et évidemment, tout n'est pas terminé non plus. Plusieurs expositions qui se poursuivent jusqu'à la fin du mois d'avril, notamment dans les bibliothèques de la ville de Québec, donc exposition sur Iris et Sviane et exposition à la bibliothèque Gabriel-Leroy aussi sur l'approche de création en BD, exposition sur l'Étonie au théâtre Petit Champlain qui se poursuit jusqu'au début mai, l'exposition sur la bande dessinée hongroise qui se poursuit jusqu'au 20 avril. Alors quand même, donc vous avez encore quelques occasions, si on peut dire, de compléter vos explorations autour des activités du festival actuellement. Alors ben voilà pour ce petit clin d'œil. Et nous, ben, maintenant, on part en musique. Alors, la formation qui nous suivra au fil de l'édition de cette semaine, eh ben, ça s'appelle Cass Earn, un album qui s'appelle Helix, et on écoute un premier extrait. Toujours à l'écoute de La Vie en BD. Je vous rappelle d'ailleurs que si vous avez envie d'écouter nos émissions en balado-diffusion, bien, c'est possible de le faire sur wordpress.com, donc lavieenbd.wordpress.com, tout simplement. Alors maintenant, en fait, je le mentionnais en début d'émission, donc on peut dire en fait une brique qui est arrivée sur les étals des libraires et également disponible aussi sur le web, c'est via la maison d'édition Mémoire, qui, vous en rappelez peut-être, l'automne dernier avait offert donc un inventaire des super-héros présents dans la bande dessinée québécoise et qui maintenant donc donne la parole à l'auteur Michel Viaud pour qu'il dresse l'histoire de la bande dessinée au Québec. Premier tome, donc on parle des origines à 1979, donc c'est BDQ, le grand titre de ce livre, et au bout du fil, l'auteur est avec nous. Monsieur Viaud, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce qu'on a l'impression d'abord qu'il manquait peut-être un peu d'ouvrages de référence autour de l'histoire, de la chronologie de la bande dessinée québécoise? Effectivement, il n'y en a pas beaucoup, et de plus en plus, il commence à en avoir là, qui paraissent tranquillement, mais oui, c'est pas le genre d'ouvrage là, qu'on peut dire qui pleut sur dans les librairies. Donc, c'est une petite pierre dans un grand édifice qui reste encore à construire. Et un édifice nécessaire qu'on doit construire aussi, dans la mesure où faut savoir d'où vient notre BD pour savoir un peu où elle s'en va aussi, j'imagine. Exactement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que la bande dessinée est un phénomène récent au Québec. On a pu lire dans des journaux récemment là, que la bande dessinée québécoise avait 15 ans. C'est une caricature, mais ça dit quand même un peu ce que c'est. Et même avant ça, souvent les gens pensaient que la bande dessinée québécoise était apparue dans les années 1970 avec Crow et même avec la bande de l'hydrocéphale qui précédait Crow. Et donc, on oublie tout ce qui s'est fait depuis le 20e siècle et même le 19e et... Il y a même des petits trucs dans le 18e siècle qui s'approchent, qui s'apparentent à la bande dessinée. Oui, parce qu'en fait, Michel Viaud, vous faites démarrer tout ça de votre côté dans BDQ en 1759, donc tout juste après la conquête. Un petit peu après, oui. Ben, c'est les premières caricatures qui sont apparues à ce moment-là, pendant la guerre de conquête, en fait. Avant ça, il n'y avait pas d'imprimerie en Nouvelle-France. Hein. Le roi de France ne voulait pas garder le monopole en France, donc il n'y avait pas d'imprimerie ici. Il n'y avait donc rien qui s'imprimait ici, mais pendant la guerre de conquête, il y avait un des généraux, le général Tancred, qui était un des seconds du général Wolfe, qui s'amusait à caricaturer son chef. Ça, c'est les premières caricatures qui ont été faites en Nouvelle-France. Maintenant, suite à la conquête, il y a eu des imprimeurs qui se sont installés. Et ce qu'on peut considérer comme la première bande dessinée, est très minime, là, c'est de niveau très, très basique, aurait été faite donc en 1792, lors des premières élections qui ont eu lieu en Nouvelle-France, ben, au Canada, en fait. Et c'est un peu un cas unique, cette BD-là, dans la mesure où c'est une BD à bulles, et normalement, oui. En fait, ce genre-là est apparu seulement beaucoup plus tard, là, dans la chronologie, de manière plus étendue. Oui, mais on trouvait déjà, en Angleterre, c'est une tradition anglo-saxonne, on trouvait déjà des caricatures avec des bulles. Okay. Donc, cette affichette-là, c'était une affichette politique pour les élections, reprenait le principe des caricatures britanniques, mais en même temps, il y avait une espèce de narration, parce qu'il y a trois dessins qui se suivent, qui racontent vraiment une histoire, là, très, très simple, mais quand même. Et donc, vous avez donc une séquence narrative de trois dessins avec des bulles. Et j'ai l'impression qu'à partir de ce moment-là, l'évolution du genre BD est très liée de A à l'évolution du genre caricature, et, oui. et de B aussi, tout ça est lié à l'explosion aussi de l'imprimerie et de facto de la presse d'information. Exactement, exactement. Pour moi, la bande dessinée, il y a plusieurs définitions de la bande dessinée. Les experts s'entendent pas, comme dans toutes. C'est tout le temps, toujours la même chose quand il y a des experts. On en met deux ensemble puis ils s'entendront pas. Il y en a qui disent que la bande dessinée doit être avec des bulles. Il y en a qui disent que c'est pas nécessaire. Que bon, moi, je suis de la deuxième école qui graduellement prend de plus en plus de place. C'est-à-dire que maintenant, on considère que la bande dessinée, bon, le texte peut être écrit en dessous, il peut être au-dessus, il peut être à côté, il peut être dans la case, dans des bulles. Ce qui compte, c'est qu'il y ait une séquence narrative à l'aide de dessins. Mm-hmm. Donc, la plupart des spécialistes, maintenant, font remonter la bande dessinée à Rodolphe Stopfer, au milieu des années 1830 à peu près. Fait que ça serait l'ancêtre de la bande dessinée. Mais effectivement, la caricature est née à la même époque. Et dans les deux cas, ça a été diffusé grâce à l'imprimerie. Donc, tout ça est lié. Et en plus, en regardant aussi le contexte politique de l'époque, on peut imaginer qu'avec les oppositions quand même assez tranchées, avec les gros débats sur la constitution de la nation, au bout du compte, bien, il y avait aussi là un gros potentiel à exploiter au niveau de la caricature politique, par exemple, au niveau de l'illustration politique. Exactement, exactement. Il y avait beaucoup de changements donc dans ces années-là. Tout le 18e siècle a été assez tourmenté. Autant ici qu'en Europe. Et donc, les journaux politiques se sont beaucoup développés à ce moment-là, et donc les caricatures qui faisaient, c'était une façon de passer le message d'une façon simple et claire. Et Michel Viau, dans l'histoire de la bande dessinée québécoise que vous offrez chez Mémoire, vous présentez Henri Julien comme étant le premier professionnel de ce côté-là, le premier professionnel de la bande dessinée ou de la caricature au Québec, là. Exactement. C'était le premier caricaturiste à être payé pour ne faire que ça. Mm-hmm. Il travaillait pour un journal qui était le Montreal Star. Il a passé une bonne partie de sa vie. Il est mort assez jeune d'une crise cardiaque qui l'a foudroyé en pleine rue. Et c'était lui le premier. C'était un excellent dessinateur. Ses dessins étaient repris dans des journaux en Europe, aux États-Unis, en Angleterre, en France et différents endroits. C'était le premier professionnel. C'est un métier qui n'existait pas. Et le propriétaire du journal voulait s'attacher les talents, les services de ce dessinateur-là. Donc, il l'a engagé à temps plein pour faire des illustrations et des caricatures dans son journal. Donc, il a créé un précédent. Oui, exactement. Et ce précédent-là en a entraîné d'autres, a entraîné une importance plus grande dans le fond de la caricature, puis par extension éventuellement de la BD aussi dans les journaux. Exactement. Ben, la BD, en fait, est née ici, au Québec. C'est en copiant un peu ce qui se faisait aux États-Unis. Mm-hmm. Donc, il y avait les deux magnats de la presse aux États-Unis qui se faisaient concurrence. Il y avait Pulitzer, puis il y avait Hearst. Il y en a un qui a commencé à publier de la BD d'une façon, sur une base régulière, parce que la BD est apparue, là. C'est pas apparu tout d'un coup, c'est pas spontané, c'était graduel. Des caricatures, parfois avec des ballons, parfois on mettait deux caricatures une à côté de l'autre pour raconter une petite scénette, deux, trois, bon. Mais il y a eu, donc je crois que c'est Hearst qui a commencé le premier à publier des séries de bandes dessinées dans ses journaux, c'était le Yellow Kid. Mm-hmm. Que plusieurs considèrent comme la première BD, mais comme je vous ai dit maintenant, les spécialistes remontent plus loin, là, vont jusqu'à Topfer, vers 1830. Donc, il y a eu le Yellow Kid, il y a eu une autre série dans les journaux concurrents, et là, ça a été l'escalade, chacun copiait l'autre. Et c'est dans ces journaux américains-là que Albéric Bourgeois, un jeune Québécois, mm-hmm. qui avait étudié en art et tout ça, est allé s'installer à Boston et a commencé à travailler dans un journal de Boston à faire de la bande dessinée, de The Education of Annie. Mm-hmm. Et cet Albéric Bourgeois-là a été recruté par un rédacteur en chef d'un journal montréalais pour créer dans un journal, dans La Patrie, une bande dessinée typiquement québécoise. Et ce qui est intéressant, si je comprends bien dans cette évolution-là, les Américains donc étaient très présents en termes de journaux, évidemment. Il y avait des BD de leur côté, mais il n'y a pas eu d'explosion de ces BD-là américaines dans les journaux québécois avant les années, quoi, 1920. Donc, il y a eu place pour, d'abord, en fait, des auteurs québécois pour explorer, pour exploiter ce médium-là avant d'être graduellement mis au côté ou remplacé par la BD américaine. Oui, effectivement. Donc, les premières décennies, vous savez, aux États-Unis, la bande dessinée est apparue, dans le fond, parce qu'il y avait beaucoup d'immigrants, donc les gens lisaient pas l'anglais, donc il y avait les bandes dessinées qui permettaient de raconter des choses d'une façon simple pour que les gens puissent suivre un peu. Ici, c'était pas parce qu'on avait beaucoup d'immigrants à ce moment-là, quoique ça commençait un peu l'immigration, mais c'est qu'il y avait beaucoup de gens illettrés. Mm-hmm. Donc, on leur racontait des histoires avec des images. Et donc, au début du 20e siècle, de 1904, en fait, à la fin de 1908, toutes ces années-là, du début de 1904 à 1908, dans les journaux, principalement les journaux montréalais, La Patrie et La Presse, qui avaient une guerre entre les deux, un peu comme aux États-Unis, entre les deux magnats de la presse, on avait la même chose ici. Et donc, dans ces deux journaux-là, il y a eu beaucoup de bandes dessinées. Il y a eu, je vous dirais, environ 600 pages de bandes dessinées qui ont été publiées, de bandes dessinées québécoises, qui ont été publiées dans ces deux journaux-là, là, pendant cette période. Et éventuellement, j'imagine que c'est une affaire monétaire, ou qu'est-ce qui a amené justement les Américains à s'imposer ici? Ou... C'était assez graduel. En fait, on parle souvent, on a vu souvent, et c'est une des choses que je corrige dans ce livre-là, que l'invasion, les syndicates, vous savez, les syndicates sont des agences là qui replacent des textes, pas seulement que des bandes dessinées, c'était donc qui replaçaient des textes, des chroniques, des nouvelles dans les différents journaux aux États-Unis. Donc, on dit souvent que c'est en 1908 que les syndicates ont chassé les bandes dessinées québécoises. C'est pas tout à fait exact. C'est vrai qu'en 1908, les deux dernières séries qui passaient dans les journaux, il en restait que deux à ce moment-là, ont été remplacées par des bandes dessinées américaines. Mais ça a duré une année environ. Mm-hmm. Et ensuite, on a eu droit à des bandes françaises, là, des histoires en images avec beaucoup de textes sous l'image, des petits dessins avec beaucoup de textes. Et c'est disparu pendant la Première Guerre mondiale. Il n'y avait à peu près rien qui se faisait. Il y a eu quelques BD québécoises encore, de temps en temps, pendant de brèves périodes. Mais et c'est finalement dans les années 20 que se sont constitués vraiment les syndicates. Il y a eu le King Feature Syndicate, qui était fait par Randolph Hearst, encore lui, qui a rassemblé plusieurs petits syndicates. Et là, il a proposé massivement dans les journaux du monde entier les produits qu'il y avait, donc entre autres les bandes dessinées. Et c'est là que les journaux québécois, tous les journaux de toutes les villes, un peu partout, ont commencé graduellement à publier des bandes dessinées américaines. Et évidemment, pendant cette période-là, il y a tout de même eu de la production québécoise, mais il y en a eu beaucoup moins, et avec la Deuxième Guerre mondiale, encore moins avec le rationnement du papier. Donc, faut attendre après ça l'après-guerre pour retrouver des noms et des incontournables, en fait, en termes d'historicité, comme Albert Chartier, par exemple. Exactement. Albert Chartier a commencé un petit peu avant la guerre, en fait. A commencé dans les années 30. Il y a eu quelques bandes dessinées québécoises. Il y en avait toujours un peu de temps en temps. Ce qui arrivait souvent, c'est que c'était comme donner une chance à un jeune auteur. On le payait le même prix qu'aurait coûté une bande dessinée américaine. Okay. Donc, ce qui suffisait pas à vivre, là, en général, c'est que, justement, la bande dessinée américaine coûtait pas cher parce qu'elle était vendue à plusieurs journaux. C'est-à-dire, le principe du syndicate était celui-là. C'était donc de vendre à bas prix, à fournir à des journaux à bas prix des bandes dessinées, plusieurs bandes dessinées pour pas cher. Mais c'est que ces bandes dessinées-là, on les vendait à des milliers de journaux. Donc, là, ça devenait payant. Dans le cas des auteurs québécois, ce qui arrivait, c'est qu'on les payait le même tarif qu'on aurait payé une bande américaine, mais ces bandes dessinées-là n'étaient publiées que par un journal. Donc, les auteurs étaient très peu payés. Dans le cas d'Albert Chartier, il a commencé comme ça, dans La Patrie du dimanche, avec la série Boboul, et il est parti ensuite aux États-Unis. Il s'est dit, je vais faire carrière là-bas, il y a plus d'avenir là-bas. Et finalement, c'est la Deuxième Guerre mondiale qui l'a ramené au Canada, au Québec. Et ensuite, il a commencé, donc en 1943, pendant la guerre, il a commencé à faire la série Onésime dans le Bulletin des agriculteurs. Et c'est une série qu'il a faite jusqu'en 2002. Bon, quand même, en fait, c'est assez durable, on s'entend. Oui. Mais pendant longtemps, c'est une bande dessinée qui n'était pas connue des gens qui habitaient dans les centres urbains, parce que ça paraissait dans le Bulletin des agriculteurs. Donc, c'est une série qui était connue très connu même, parce que le Bulletin des agriculteurs était un journal qui était largement diffusé dans les campagnes, donc la Syrie était très connue, mais les gens des centres urbains ne connaissaient pas Onésime, que ce soit Montréal, Québec ou Trois-Rivières ou Sherbrooke, les gens ne connaissaient pas Onésime. Il a fallu attendre les années 70 pour que Victor Lévy-Beaulieu publie aux éditions de l'Aurore, publie les premiers recueils d'Onésime. Et là, le personnage est devenu connu, il est devenu une icône à ce moment-là. Et ce qui est fascinant, évidemment, en parcourant la chronologie que vous proposez dans BDQ, Histoire de la bande dessinée du Québec, au Québec, c'est qu'on découvre aussi, des fois, les raisons derrière, justement, la production peut-être un peu plus tranquille ou très focussée, si on peut dire, dans certains moments. Et notamment, vous donnez l'exemple de La Grande Noirceur sous Maurice Duplessis, où d'un côté, il y a explosion peut-être un peu de la production catholique, et en parallèle, il y a eu aussi des croisades pratiquement anti-comics, anti-bande dessinée. Oui, exactement. Les instances religieuses considéraient que la bande dessinée était nocive, tout comme la danse ou le cinéma d'ailleurs. Ce n'est pas seulement que la bande dessinée. Tout ce qui venait en fait des États-Unis était considéré comme dangereux et satanique un peu. Mais ils se sont dit que les jeunes aimaient la bande dessinée et qu'il fallait combattre le feu par le feu. Et c'est ce qui a mené à la création du journal Héros, qui est un journal de bande dessinée. Pour la plupart, au début, c'était des bandes dessinées américaines qui étaient traduites en français. Et donc, en 1944, il y a eu ce journal-là, mais qui racontait des histoires religieuses. Il y avait souvent des vies de saints, des vies de congrégation, des gens là. Donc, c'était pas des histoires de meurtre ou des séries policières trépidantes. Là, il y avait pas de super-héros non plus, pas de science-fiction là-dedans. C'était toujours très gentil et toujours avec une morale très catholique. Donc, on combattait le feu par le feu, mais c'était assez insignifiant comme bande dessinée, et ça finit par créer la perte de ces magazines-là après un certain temps. Là. Et quand on arrive dans la période années 60-70, bon, avec entre autres la Révolution tranquille, de votre côté, cette section-là dans le livre, vous l'intitulez « Le printemps de la bande dessinée québécoise ». Oui, c'est le nom que lui a donné un journaliste, Georges Rabhi, qui avait écrit un texte en 1972, je crois, sur ce mouvement-là. Il y a vraiment une rupture entre ce qui se faisait avant et ce qui s'est fait à ce moment-là. Et la différence, c'est que, justement, les bandes dessinées étaient avant ça, surtout par les institutions religieuses. Et à partir de 68, ben, c'est l'événement de mai 68, entre autres, les étudiants ont pris leur place. Et c'est justement dans le milieu étudiant qu'une nouvelle forme de bande dessinée est apparue, très inspirée par ce qui se faisait aux États-Unis, la bande dessinée underground de San Francisco, et ce qui se faisait en Europe, c'est-à-dire il y avait Charlie, il y avait le journal Pilote qui était en pleine mutation lui aussi, et qui a beaucoup inspiré les créateurs d'ici. Oui, donc d'une certaine façon, le Québec BD n'évoluait pas en vase clos versus l'Europe. Il y avait vraiment fait, au contraire, les deux. En fait, il y avait une forte influence de l'Europe sur la création au Québec. Une forte influence européenne, mais aussi américaine. Oui. Dans les deux cas, parce qu'il y a eu aussi beaucoup à travers toutes ces décennies-là où il n'y en avait pas beaucoup là, jusque dans les années 60. Il y avait quand même des choses qui paraissaient dans les journaux, et tout ça était inspiré beaucoup plus par les bandes dessinées américaines que par les bandes dessinées européennes. C'est surtout dans les années 60 que la bande dessinée européenne a commencé à avoir de l'influence. À partir du moment où le journal Tintin, le journal Spirou ont été diffusés abondamment, parce que c'était mal diffusé là au début, à partir du moment où il y a eu un bon réseau de distribution de ces magazines-là, la bande dessinée européenne a pris beaucoup plus d'influence que l'américaine. Donc j'imagine en fait dans les débats où on dit y a-t-il une bande dessinée québécoise à proprement parler, mais si on parle d'une fondation métisse entre les influences américaines et éventuellement les influences européennes, c'est peut-être là qu'on retrouve l'originalité québécoise, entre guillemets. Exactement. Oui, je suis d'accord avec vous là-dessus, oui. Et à l'intérieur de cette période-là, un peu comme dans d'autres pratiques artistiques d'ailleurs, c'était beaucoup l'explosion de la création en groupe, les collectifs, l'expérimentation à travers tout ça. Au début, c'est ça. Quand il y a eu toute cette explosion artistique-là pendant le printemps de la bande dessinée québécoise, c'était des groupes. C'est des gens qui avaient une volonté commune de fonder une revue. On parlait pas d'album vraiment à ce moment-là, mais c'était des jeunes qui se mettaient ensemble et qui voulaient fonder une revue et donc qui travaillaient en groupe. Et il y avait ces groupes-là étaient quand même assez changeants. Au moment où une revue tombait, les gens se retrouvaient dans une autre revue et dans un autre groupe, il partait une nouvelle revue. On a vu des gens de Marden Québec se retrouver dans l'écran, se retrouver dans l'illustré. Il y en a eu qui se sont retrouvés dans la revue BD. Donc, ça bougeait quand même pas mal. Et toute cette chronologie-là, Michel Viau, vous l'a fait terminer en 1979. J'imagine que c'est un peu en lien avec la naissance de Crow, qui est un tournant majeur dans l'évolution, exactement, dans la prise de vitesse de la BD québécoise. Exactement, exactement. C'est à ce moment-là qu'il y a eu une professionnalisation de la bande dessinée. C'est quand Crow est arrivé, il y a eu des gens qui étaient payés pour faire de la bande dessinée, puis qui étaient payés décemment, pas comme ceux qui étaient payés dans les journaux le prix d'une bande dessinée américaine de syndicate, et ni ceux de la période du printemps de la bande dessinée, où souvent tous ces gens-là n'étaient pas payés. C'était des jeunes enthousiastes qui voulaient fonder une revue, mais personne ne recevait un sou là-dedans. Quand est arrivé Crow, c'est là qu'il y a eu un éditeur sérieux, Lutcom, les auteurs étaient payés pour leur création. C'est sûr que c'est un magazine humoristique, donc la bande dessinée devait être humoristique, c'était comme la contrainte, mais les gens étaient quand même très très libres de créer des personnages, créer des choses de leur cru, et ils étaient payés. Et toute cette chronologie-là, de votre côté, qu'on retrouve justement dans cette histoire, ce BDQ, histoire de la bande dessinée au Québec, c'est le fruit de votre côté de 20 ans de recherche, de travail, et dans des cas, j'imagine aussi, de dépoussiérage, de fouilles pour trouver des planches ou des éléments, des auteurs qui ont été oubliés parfois. Oui, tout à fait, parce que ce qui est malheureux avec tout ça, la bande dessinée québécoise est riche. Comme on en a parlé un peu plus tôt, depuis 1904, il y a eu des bandes dessinées. Le malheur dans tout ça, c'est que ces bandes dessinées-là ont jamais été reprises en album. Et donc, des personnages comme Timothée ou comme le père La Débauche, qui étaient extrêmement populaires dans leur temps, sont maintenant oubliés. Et c'est donc dommage. Et j'ai dû, justement, pour faire ce livre-là, faire cette recherche-là, j'ai dû fouiller beaucoup dans les microfilms pour ressusciter, pour ramener ces personnages-là. C'est bien beau d'en parler dans un livre, mais maintenant, il faudrait que les gens puissent les lire, ces bandes dessinées-là. Oui, ça risque d'être la prochaine étape, un peu, une fois qu'on a dressé, qu'on saisit l'étendue de ce qu'on a chez nous en termes de culture BD. Mais ça sera de trouver des manières de l'éditer, de la rendre à nouveau disponible. Exactement. Ce qui est difficile, par exemple, parce que c'est dans des vieux journaux, souvent, et ils sont tellement dans un état pitoyable que même la Bibliothèque nationale ne veut pas en faire de reproduction. C'est malheureux parce qu'on peut seulement que les voir en microfilm, donc en noir et blanc, alors que c'était des bandes dessinées qui étaient publiées en quatre couleurs à l'époque. Et parallèlement, donc j'imagine, on parle d'un tome 1, il y a déjà un tome 2 qui est dans les cartes pour éventuellement explorer 79 à aujourd'hui? On va peut-être pas aller jusqu'à aujourd'hui parce que c'est difficile, de quand on écrit l'histoire, de parler de ce qui se passe actuellement. Effectivement. Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne sera pas, on peut pas encore, on n'a pas le recul nécessaire. Fait que probablement que le tome 2 va aller de la période 79 à 99, qui est une autre date charnière aussi, à mon avis. Et il s'est passé beaucoup de choses à ce moment-là. Et en terminant, petite question, simplement pour savoir, qu'est-ce qui a guidé votre choix dans la rédaction de ce premier tome, à savoir une approche vraiment chronologique plutôt qu'analytique? C'est tout simplement qu'il n'y a pas vraiment d'outils chronologiques pour le moment encore. Mon but était simplement de montrer aux gens, voici ce qu'il y a, voici ce qui existe, voici, c'est paru de telle date à telle date, c'est existé là, et de permettre ensuite à d'autres chercheurs d'aller chercher ces bandes dessinées-là et de faire des analyses. Je voulais pas me mettre à analyser ces bandes dessinées-là, avoir les grands courants, tout, non. Je voulais juste c'est la base, voici qu'est-ce qui existe, et à d'autres de faire d'autres recherches et de pousser plus loin à partir de ça. Ça, de se donner un point de départ. C'est exactement. Voilà. Et on incite si les gens sont intéressés justement à découvrir un peu cette histoire-là, ben je pense que vous avez lancé un ouvrage qui est pas mal incontournable dans le genre. Je rappelle aux gens, donc ça s'appelle BDQ, donc Histoire de la bande dessinée au Québec, tome 1, donc des origines à 1979. On sait déjà pratiquement tout le temps qu'on a, on aurait pu encore en parler, je pense, pendant des heures et des jours. On se redonnera peut-être un autre rendez-vous en cours de route, mais d'ici là, Michel Viau, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Et au plaisir. Voilà. Bonsoir. Alors, je vous rappelle donc BDQ Histoire de la bande dessinée au Québec, c'est disponible chez Mémoire. C'est un livre donc de M. Michel Viau, avec qui on avait le plaisir d'échanger. Au lieu de plaisir, de rencontres et de culture à Québec, le Sacrilège, votre bar de quartier, prépare sa terrasse pour l'été. Au cœur du Faubourg Saint-Jean-Baptiste, cette institution bat au rythme des activités artistiques qui y sont présentées. Venez profiter des nombreux spéciaux offerts tous les jours. Rendez-vous au 447 rue Saint-Jean. Le Sacrilège, fier partenaire de CKRL, félicite la station pour ses nombreuses années de service. La Quincaillerie Saint-Jean-Baptiste est heureuse de s'associer à CKRL en tant que partenaire fidèle. Depuis plus de 100 ans, la plus grande des petites quincailleries s'implique dans sa communauté en offrant des produits adaptés aux besoins des gens qui résident au cœur du centre-ville. Que ce soit pour des produits en plomberie, électricité, la taille de vos clés ou la coupe de bois, ou pour toute la gamme de couleurs pour vos besoins en peinture de marque Sico et Rona, la Quincaillerie Saint-Jean-Baptiste sous l'enseigne du marchand Rona est ouverte 7 jours pour vous servir. 298 rue d'Aiguillon, 88 525 5212. Devenez notre ami Facebook. Les moulets frites sont de retour au Vieux-Port. La cabane offre en effet le moulet frites à volonté en soirée du mercredi au dimanche à prix spécial en mars et avril. Située dans les anciens locaux du Poisson d'Avril, la cabane reprend le flambeau avec un menu qui suit les saisons. Au printemps, c'est le crabe qui sera à l'honneur dès le début de la pêche. L'été, c'est le homard et la folie des lobster rolls ou guédilles au homard. Aussi au menu, steak, poulet grillé et fish and chips. À l'année, c'est les moulets frites à volonté. Vous possédez une carte de membre de CKRL? Économisez 10 % à chaque fois que vous faites un achat au Théâtre de la Bordée au 315 rue Saint-Joseph-Est. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Tout juste avant 100 % Dynamite, le week-end s'amorce de belle façon dès 18h30 les vendredis avec Jean-Sébastien Grondin et son émission Soulfinger. Ça groove à CKRL 89.1. Vous êtes toujours à l'écoute de La Vie en BD. Raymond Poirier toujours avec vous jusqu'à 18h30, toujours pour parler du 9e art. Et évidemment, si vous voulez en savoir un peu plus, si vous voulez poursuivre la discussion et les échanges, eh bien, c'est possible de le faire via Facebook, facebook.com/La Vie en BD. Également, mon blog personnel sur voir.ca, donc /Raymond-Poirier. Et plusieurs productions qui sont arrivées au fil des dernières semaines, évidemment, en route vers le Salon international du livre de Québec, en route vers le Festival de la bande dessinée francophone de Québec, et notamment Mécanique générale qui a lancé deux nouveaux livres. Un de ceux-ci, c'est pas facile d'être une fille, première parution de l'auteur de Québec, Bac. Elle est avec nous ici pour présenter, pour discuter de cet album. Bac, bonjour. Ben, bonjour. Alors, ben voilà, première bande dessinée de votre côté, de ton côté, bande dessinée qui fait suite un peu à ce que tu proposais sur Facebook, notamment sur les blogs. Alors, comment s'est passé un peu le passage du papier vers... du web vers le papier? Oui. le passage, ben... En fait, ça, moi, ça fait quand même longtemps que je fais des petites bandes dessinées de blog, là, et bien avant ma page Facebook, en fait, qui a été lancée il y a 2 ans, à peu près. Mm-hmm. Puis c'est ça, c'est sûr que c'est un projet... Le projet de l'imprimer, ça, c'est là depuis le début, en fait. C'est ça que je voulais faire à la base. Puis en fait, j'ai été vraiment très chanceuse parce que c'est Renaud Plante de Mécanique Générale qui est venu me chercher en fait pour me dire « Ah ben, tu sais, je serais intéressée par ton projet ». Puis évidemment, donc là, ça a été le début de l'aventure l'année dernière. Est-ce que ça nécessitait beaucoup d'adaptation? Parce qu'on dit, en fait, des fois, créer pour un médium comme le web, c'est pas nécessairement les mêmes impératifs que dans le papier, dans l'organisation des planches, dans l'organisation du récit, mm-hmm. etc. Mais justement, etc. Au départ, j'avais en idée de reprendre toutes mes bandes dessinées que j'avais faites sur Facebook, puis seulement les faire imprimer sur papier, puis en rajouter quelques-unes. Puis finalement, Renaud m'a vraiment convaincu de recommencer pratiquement à zéro, de reprendre quelques-uns qui avaient été mis sur Facebook, mais de vraiment refaire une histoire complète, puis qui, ben, c'est quand même des petits gags séparés, mais qui forment une histoire complète. Puis je pense que ça a valu la peine. C'est vrai que c'est pas la lecture sur Internet, c'est un peu du bonbon. On lit ça rapidement, c'est une planche, puis ça termine là. Mais là, faut quand même donner envie au lecteur de lire au complet, puis. Voilà. D'avoir une gradation, d'avoir des personnages récurrents, mm-hmm. puis d'avoir peut-être, dans le fond, une structure qui permette de lier tous les gags vers un point culminant, peut-être, mm-hmm. à l'intérieur de l'album. Oui. Et dans ton cas, Bach, ça a été beaucoup lié aux relations amoureuses, à tes relations amoureuses, à ta relation amoureuse dans ton cas et à celle de quelques amis aussi autour. Oui, c'est ça. Ben en fait, tu sais, ça s'inspire vraiment de ma vie. Donc c'est sûr que ce qui est très présent, c'est bon, évidemment mon amoureux, ma meilleure amie avec son copain, puis évidemment tous mes problèmes de fille là, à propos de la mode, tout ça. Donc c'est vraiment ça que je voulais mettre l'emphase au fond, c'est les problèmes féminins. Quand même un peu exagéré, là. Donc, c'est ça. Là. C'est sûr que je voulais mettre vraiment l'emphase là-dessus. Oui, puis nécessairement, les histoires d'amour sont un bon sujet d'ancrage autour, justement, de la question de la séduction, du mariage, de ci, de ça. Oui, un sujet universel. Et qu'est-ce qui t'avait lancé? Ce que tu mentionnais, ça fait bon quelques années que tu es sur Facebook, ça fait encore plus longtemps que tu offres les BD en format blog. Qu'est-ce qui t'avait amené à te lancer, à dire, ben OK, j'ai envie de proposer un peu de l'autobiographique, de proposer ce type de BD-là? Mm-hmm. Ben étrangement, ça fait vraiment très longtemps que je fais ça. Vraiment, j'étais une préadolescente là, puis je commençais déjà à raconter les histoires de ma famille. Tu sais, je viens d'une famille quand même nombreuse, on est 5 enfants. Puis c'est ça, j'avais toujours de quoi de farfelu à raconter. Donc ça a commencé un peu comme ça. Puis finalement, je suivais beaucoup de blogs. Ça a été très la mode pendant que j'étais adolescente, les blogs de français. En fait, je suivais beaucoup Pénélope Bagieux, puis Boulet, puis bon, Florel, Margot Motin, etc. Donc, je les ai beaucoup suivis, puis ça m'a donné, évidemment, le goût de faire un blog, puis de les publier là-dessus. Puis, donc, c'est ça, c'est comme ça que ça a commencé, puis... Et il faut dire, en fait, dans le style féminin, un peu à la Bagieux, à la Motin, il n'y en avait pas tant au Québec qui donnait dans ce genre-là, j'ai l'impression. T'es la seule dans un petit groupe, là, si on peut dire. Ouais. Je suis arrivée au bon moment, non, mais c'est vrai que côté bande dessinée, on est de plus en plus de filles, mais de la bande dessinée vraiment ciblée filles, problème de SPM, tout ça, là, c'est sûr qu'il n'y en a pas beaucoup au Québec, même, ouais, je me demande si je suis pas toute seule. Hein? Et en même temps, d'ailleurs, c'est un peu dans ce registre-là qui a amené tes BD à être circulées, à être diffusées. Je pense la première qui a véritablement été partagée, si on permet l'anglicisme, at large, c'est une histoire de toupet. Oui, vraiment. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai repris dans mon livre, parce que c'était un petit peu un clin d'œil de... Tu sais, comme je racontais, cette bande dessinée-là, en plus, c'était vraiment un... Jamais je me doutais que ça aurait marché comme ça. Moi, je commençais avec mes les gens qui me suivaient, c'était évidemment mes amis, ma famille. Puis là, j'ai publié celle-là parce que c'était vraiment un problème qui, vraiment, pour moi, c'est très important, mon toupette. C'est vraiment un problème récurrent. Comment le couper? Oui, comment le couper, puis quand le couper, puis... c'est ça. Donc, quand je l'ai mis, moi, c'était vraiment... Pour faire rire tes chums, faire rire ta famille. Pour rire, puis je me doutais même pas que c'était un... que ça allait marcher comme ça, en fait. Là, je me souviens que le nombre de personnes qui me suivaient, là, genre le lendemain, ça avait augmenté de 400 personnes, 500 personnes en une journée. Là, moi, je revenais pas. Je me disais, mais voyons, ça rejoint donc bien du monde. Pourtant, on parle juste de cheveux. Puis c'est ça. Là, est-ce que c'est à ce moment-là que tu dis, mon Dieu, j'ai peut-être trouvé un créneau, ça t'amène à mettre un peu le focus sur certains types d'histoires, en sachant que c'est celle-là qui suscite le plus de réponses, de partage, ou est-ce qu'on essaie au contraire de pas trop penser à ça dans... Ben c'est sûr que je me dis tout le temps, quand je trouve une idée, là, c'est sûr que ça s'inspire de mon quotidien, donc quand je trouve une bonne idée, je me dis tout le temps, bon, est-ce que ça ressemble vraiment au quotidien des filles en général, ou bon, des gens en général? Puis souvent, j'avais mes amis de filles qui me supportaient, puis c'est toujours à eux que j'ai fait lire en premier, même encore aujourd'hui, c'est mes premières lectrices. Puis ça, j'en ai 2-3 des échantillons là, qui sont un peu de différents milieux, puis que souvent, c'est eux qui me disaient si ça marchait bien ou pas. Donc c'est sûr que quand on se fait une page Facebook comme ça, qui est très suivie, on espère que ça reste comme ça, puis qu'on continue à garder les gens avec nous aussi. Donc, évidemment, c'est sûr que j'essayais de faire des bandes dessinées qui allaient continuer à marcher. Là. Oui, bien souvent, on fait l'analogie peut-être avec la musique, dans ce cas-ci, où il y a des musiciens qui disent, ben moi, avant de faire un album, je fais des shows pour tester un peu les pièces, voir ce qui marche, voir ce qui fonctionne, mais c'est un peu à la limite ce que tu fais sur le web. En fait, tu testes les BD, puis après ça, c'est un best-of qu'on retrouve dans l'album. Finalement, ça a fait ça. C'est vrai que c'est une belle métaphore, j'y avais pas pensé, c'est vrai. Et en même temps, est-ce que, bon, tu te livres à travers ça, c'est ta vie, version humoristique, donc j'imagine qu'en tant que fille, il faut que tu mettes aussi ton ego de côté pour pouvoir rire de tes travers féminins. Là, c'est... Oui, c'est vrai ça. Puis aussi, c'est ça, là, je me suis rendu compte qu'avec le style de bande dessinée autobiographique, quand tu décides de mettre ta vie... public, si on veut, ben là, tu décides que, bon, ben, par exemple, j'ai eu une rupture il y a 2 ans, puis c'est ça, sur le coup, tu te dis, bon, ben là, va falloir que j'explique aux lecteurs que, bon, ça sera pas la même personne dans les bandes dessinées, puis il faut pas qu'ils se posent de questions parce que ça change de gars, mais c'est la vie. Puis, tu sais, je me souviens justement à ce moment-là, j'avais expliqué à mes lectrices, bon, mais écoutez, ma vie a changé, puis finalement, j'avais reçu plein de messages de filles qui m'avaient écrit un peu reconnaissantes pour me dire « Oh mon Dieu, j'ai vécu la même chose, puis je suis tellement contente, puis merci, t'es comme ma meilleure amie. » Bon, ça, c'est un peu... ça me surprend tout le temps un peu, mais c'est ça, donc t'allais rejoindre les gens comme ça, puis... Ça fait une relation particulière avec les lecteurs, ouais. Dans la mesure où les gens qui arrivent avec l'album te connaissent déjà un peu sans te connaître, mais c'est un peu le lot de tout ce qui est BD autobiographique. En tant que lecteur, on a l'impression de connaître un peu l'auteur, mm-hmm. ou au moins une version, une vision que l'auteur a de lui-même, mm-hmm. ou nous propose de lui-même. C'est vrai que c'est assez spécial quand les gens... je me souviens quand j'étais ado, puis j'avais un blog, j'avais quand même été suivie quand même par les adolescentes, puis... il y en avait une qui m'avait écrit vraiment un message personnel en disant « Ben là, j'ai remarqué qu'il y avait ça dans ta bande dessinée. Comment ça se fait? Puis, t'as changé? Qu'est-ce qui se passe? » Puis là, je me disais « Ah bon? OK, t'as remarqué ça? Comment ça? » Puis, du coup, ça m'avait un peu... j'avais pris du recul, puis j'avais arrêté un peu de bloguer parce que j'avais trouvé ça bizarre un peu. Puis, finalement, avec le temps, en vieillissant, tu te dis « Bon, ben là... coudon, faut ce qu'il faut, puis quand tu l'acceptes, ben... Ça t'arrive à pas y penser, dans le fond. Ouais, ben, oui, faut que t'arrives à... Comme je dis, là, quand tu prends la décision que tu fais ça, ben, tu y vas jusqu'au bout, puis bon, évidemment, on raconte pas tout, là. Ça, ben, j'imagine, en fait... On généralise quand même, là. C'est ça. Mais puis, j'imagine qu'il y a une censure aussi. Il y a les anecdotes qui sont bonnes pour le blog, il y a les anecdotes qu'on raconte pas, mais qu'est-ce qui fait, justement, mettons, dans ta vie de tous les jours, j'imagine, t'as ton crayon, tu notes des idées, puis à un moment donné, il y en a une qui suscite un flash pour une histoire, ou... Ouais, ben oui, c'est vrai, j'ai toujours mon carnet de notes avec moi, puis comme je dis, ça s'inspire de ma vie, donc dès qu'il se passe quelque chose, je le note, ou en tout cas, j'essaie de m'en souvenir le plus longtemps possible pour le noter à la maison. C'est ça, au fond, quand je prends la note, ben des fois, ça peut pas faire de bande dessinée, autant que des fois, c'est vraiment, je me dis, oh, ça va vraiment être une bonne blague, faut vraiment que je le fasse. Puis des fois, ça arrive que je lis à la maison le flash, puis je le fais directement sur la tablette, puis je le publie sur Facebook, pratiquement au moment. Mais là, il y a des moments où il faut le mettre au bon moment. Parce que des fois, ça marche pas. Là, ça aussi, c'est 2h du matin, ça a moins d'impact. Non, c'est ça. C'est un art, comment on appelle ça, travailler sur Internet comme ça, là, c'est vraiment un art. Ouais. Et en même temps, ben, comme tu mets en scène aussi un peu les gens, en fait, tu t'utilises comme personnage principal, tu mets en scène tes amis, ton amoureux comme personnage secondaire. Évidemment, c'est pas exactement eux-mêmes, j'imagine, mais qui se reconnaissent un peu aussi là-dedans. Ouais. Comment ton entourage vit avec le fait d'être devenu de facto des personnages de BD en même temps que... Ouais, ben je leur ai demandé la permission d'abord, mais moi je suis quand même assez exagérée, mais les autres c'est quand même assez la vérité. Bon, ok, bon, c'est pas vrai. Ma meilleure amie aussi est un peu est un peu exagérée là. Je nous mets vraiment hystérique là. Mais bon, c'est vrai que des fois toutes les deux ensemble, on peut être pas mal folle. Telles des bonnes amies de filles. Ben c'est ça, là. C'est sûr que sur le coup, ça peut être spécial pour les personnes de dire « Ok, là, je suis un personnage de BD, puis tout ce que je fais peut se ramasser dans un livre, là. » Donc, faut que j'accepte. Ces personnes-là, finalement, elles doivent assumer un peu aussi que ça se pourrait que ça se ramasse aussi imprimé, puis que... Donc, c'est pratiquement voilà. Un contrat que quand on devient ami avec Bach, oui. On sait que peut-être que... Ouais, fais attention, là. Et parallèlement, évidemment, tu poursuis aussi ton travail sur le web. Est-ce que le fait d'avoir travaillé pendant, bon, c'est pas venu en 3 jours, je pense que tu as commencé le travail sur cet album-là dans une résidence à Bordeaux, oui. L'automne dernier, est-ce que le fait d'avoir travaillé sur papier change un peu la manière dont tu travailles sur le web maintenant? Non, sur le web, c'est vraiment autre chose. C'est deux médiums complètement ouais. différents. C'est sûr que là, maintenant, quand je travaille sur mes planches, sur le web, je me dis tout le temps, bon, est-ce que ça serait une bonne chose à récupérer dans le prochain album? Est-ce que je pourrais, y aurait-il une façon de l'étirer? Parce qu'au fond, dans la version imprimée, il y en a quelques-uns qui ont été repris, mais c'est tout en 5-6 planches, là. Oui. Mais c'est sûr que, non, c'est sur le web, puis le livre, c'est vraiment pas le même médium. Donc, je réussis à séparer un peu les deux, là. Oui, sans nécessairement avoir en tête de, ben, OK, il va peut-être avoir un, c'est pas facile d'être une fille, tome 2. Donc, ouais, on travaille ça pas se pourrait. en vision vers le tome 2. On se laisse ouais. libre un peu. Oui, c'est ça. Puis c'est sûr que j'ai terminé le livre aussi en me disant, bon, ben, moi, je suis pas très fan de séries que on n'a pas le choix. C'est quand t'arrives au 5e, il faut que t'ailles les 4 premiers mm-hmm. parce que sinon, ça marchera pas. Donc, moi, j'avais envie de faire le premier avec une ouverture qui pouvait amener un tome 2 ou pas. Donc, tout dépendant comment j'allais filer. Donc, c'est ça. Mais là, les gens me l'ont tellement demandé que je pense que je vais en faire un. Ouais. Oui, puis en même temps, ça donne bien que justement ta vie puisse poursuivre au niveau anecdotique. Ben en fait, oui. Le timing a été bon. En fait, j'ai pas envie de vendre les punchs pour ceux qui ne te suivent pas sur Facebook et qui ne savent pas qu'est-ce qui s'est passé, mais disons qu'il y a quand même eu, si tu me permets l'anglicisme, un bon timing oui. dans tout ça avec la création du livre. Là, c'est ça. Vrai. Ben en fait, pour tout dire, la fin, pour les gens qui l'ont pas lu, là, je vais pas vendre de punch non plus, mais la fin a été écrite quelque chose comme 3 semaines avant l'imprimerie, au fond, parce que justement, il y a eu un événement important dans ma vie dans le temps de Noël, puis je devais finir pour début février, donc là, ça faisait une meilleure fin. Donc, j'ai tout refait la fin, puis j'ai refait le début aussi, d'ailleurs. J'étais un peu dernière minute. Alors, on découvre la résultante. Comme Bach le disait, donc, il y a des différences avec le web. Donc, si on suit les anecdotes sur Facebook ou ailleurs, eh bien, on en découvre d'autres ou d'autres organisations. Donc, ça s'appelle « C'est pas facile d'être une fille ». C'est chez Mécanique Générale. Bach, merci. Mais merci beaucoup. Et à la prochaine. Et nous, ben, on repart en musique, toujours avec la formation Cassern, tirée de leur album Helix. On poursuit toujours ici à La Vie en BD. Raymond Poirier avec vous, toujours jusqu'à 18h30. Dernière ligne droite, et ligne droite qu'on a le plaisir de faire en compagnie de notre collaborateur Marco Duchesne. Bonjour. Hey, salut Raymond. Ça va bien? Oui, toi? Oui, ça faisait quand même quelques semaines. Ben, oui. Il y avait tellement de surdose d'activité qu'on avait arrêté de parler de critiques et de commentaires. Oui. Je pensais que tu m'aimais plus. Et Marco, tu nous reviens en force avec un regard sur différents titres, différentes sorties récentes, dont Herman. Ben oui, écoute, pour moi Herman, c'est comme ce vieux t-shirt que j'ai à la maison et que je ne mets que les week-ends. Je le trouve confortable et j'arrive pas à m'en débarrasser. Et quand arrive le samedi matin, c'est la première chose que j'enfile et je me dis que tout va bien aller, que la fin de semaine va être à la hauteur de mes espérances. Ce vieux t-shirt-là, le tissu est parfait, puis je me sens tellement bien et confortable. Herman, c'est comme ça. Pour moi, Herman, dans sa série Jérémia, a été pour moi une révélation au niveau de l'aventure pure, dure, hollywoodienne. Cette façon de raconter cinématographique avec au début des couleurs hallucinante parce qu'il avait un coloriste qui exprimait le soleil, la lumière. Et par la suite, quand il s'est mis à faire ses propres couleurs avec les aquarelles, ses scènes de nuit étaient époustouflantes et le sont encore. Jérémia, cette série qui raconte l'histoire de dans un univers post-apocalyptique où Jérémia, jeune homme naïf, s'acoquine avec Curdy, une espèce de type un peu louche à la morale douteuse, vont faire des... Bref, pour moi, Jérémia est une bonne série. Herman, qui avait débuté avec Greg, avec Red Doss et tout ça, après, il continuait à faire Jérémia, mais à un moment donné, il s'est accoquiné avec son propre fils, Yves Upman. Et depuis ce temps, à période régulière, il nous sort un album, un one-shot, une histoire complète en un seul album, souvent chez Lombard, Glénat ou tout ça. Et ils explorent toutes sortes de veines de scénarios de genre, du polar en passant par l'aventure et tout. Récemment, vient de sortir chez Lombard, à la collection signée, un seul album, ça s'appelle Station 16, scénario du fils et Yves et dessin du père, Herman. Et ça s'inscrit dans la lignée là, des collaborations précédentes? Tout à fait, oui. Une excellente histoire. Toute simple, ça ne réinvente pas la roue, mais c'est toute simple. Ça va, en fait. Mais c'est pour ça que tu parlais de pantoufles, en fait. Ben voilà. Alors, Station 16 est une station en Antarctique russe. Elle reçoit un message de secours, un message d'aide, qu'on demande d'aide dans cette station-là. Et un commando de soldats russes vont débarquer là. Ils vont faire face à l'horreur des êtres irradiés, un docteur fou, du voyage dans le temps. Bref, tous les éléments que on a le droit et qu'on aime d'une aventure dessinée et scénarisée par les Upman. Donc on tombe dans le récit, le rythme est là, l'histoire est là, c'est simple. Ça, comme tu dis, en fait, on réinvente pas la roue, mais elle tourne bien. C'est un bon vieux film. Tu sais, quand on va au cinéma, on se dit, oh, on va aller voir un film avec Bruce Willis ou avec, on est sûr qu'on va s'asseoir là et on sait à quoi s'attendre et souvent, ça livre la marchandise. Alors ça, c'est Station 16, donc chez Lombard. On saute à un autre titre, on se transporte chez Paquet avec Serpando de Sandoval. Je suis un fan inconditionnel de Tony Sandoval. Il a apparu à un moment donné aux éditions Paquet en français. Il a apparu il y a quelques années avec de petits albums. Un album qui s'appelait Mort sur le divan, ou une histoire d'adolescent et d'un divan. Oui, d'un divan. En deux tomes chez Paquet. Et tranquillement, il nous arrive avec souvent des histoires. Ces histoires ont une part de rêve, une part de fantaisie, pas de la fantaisie, mais de la fantaisie, une part de aussi qui graphiquement se veut horreur, mais ne tombe jamais dans les codes de l'horreur ou des histoires du genre horreur. Tony Sandoval, son dessin ressemble beaucoup à, tu sais, cette espèce de dessin gothique où les grosses têtes avec de petits corps et les couleurs sont un peu ocre, un peu ombragé et tout. Le trait est très fin, même s'ils ont des grosses têtes, le trait est très fin. Et ces histoires, souvent, je pense à l'avant-dernière qui était Doom Boy, où un guitariste ayant perdu son amour essayait de faire le solo qui serait un hommage à celle qu'il aime, et toute l'histoire est basée là-dessus. Bref, souvent très onirique, souvent très poétique. C'est le cas du Serpando. Un seul album chez Paquet, c'est une histoire complète en un seul album. Une petite fille, une jeune fille, pré-ado, rencontre une autre petite fille, une autre jeune ado qui veut faire sa connaissance et qui veut jouer avec et qui veut devenir son amie. Petite fille réservée qui rencontre une petite rebelle. J'ai oublié les noms là, le personnage principal, cette jeune fille là un peu réservée, elle a les cheveux noirs, elle est un peu gothique d'apparence, mais elle est un peu réservée, timide et tout, et l'autre jeune fille qui lui apparaît, parce que elle lui apparaît, qu'à elle. Et là les deux vont se lier d'amitié, devenir un peu dépendante, parce que comme la petite fille fantôme découvre qu'elle peut être vue par une autre personne, et tout ça va l'entraîner dans une espèce de monde, et là tout ça chavire à chaque deux chapitres du bouquin, tout ça chavire dans des, on passe de l'histoire d'amitié entre deux jeunes à l'histoire d'amitié entre une fille et un fantôme, et elles vont traverser dans un monde où là on découvre que la fille qui était un fantôme a avalé le roi poulpe, et le roi poulpe demande à être libéré, et là on a encore un twist où on va sombrer dans une espèce de truc de fantasy, où là, et là à chaque étape, Tony Sandoval ces histoires avec les couleurs qui fonctionnent avec l'atmosphère. Donc, on réussit à bien faire passer le lecteur d'atmosphère en atmosphère. Parce que des fois, quand on dit on change de registre comme ça dans un récit, la chute peut être douloureuse pour le lecteur. Jamais. L'atmosphère qu'il installe est empreinte d'une de rêve, de poésie, et elle le reste. Même à un moment donné, quand les armées du roi Poulpe affrontent les protectrices, parce que c'est les dents, là, y a tout un... c'est difficile à expliquer. En fait, c'est difficile à expliquer parce que les albums de Tony Sandoval ne s'expliquent pas. Elles se lisent et se vivent. Et ça vaut la peine de vivre, si on peut dire, ce serpent d'eau. Oui, ah, tout à fait. À mon avis, avec Doomboy, c'est une de ses meilleures productions à venir jusqu'à maintenant. Alors, à découvrir donc le serpent d'eau de Sandoval, donc chez Paquet. Il nous reste un petit 2 minutes à peu près, Marco Duchesne. Écoute, rapidement, là, pour les amateurs de récits de voyage, d'exploration, le dernier tome, en fait, c'était une histoire en 2 tomes et c'est complet avec la sortie cette semaine du dernier voyage de Alexander Humboldt chez Futuropolis, d'un scénariste qui s'appelle Leroux et d'un dessinateur extraordinaire qui s'appelle Froissart. Là, on change de registre, on est au 19e siècle, c'est le récit d'aventure, c'est Au cœur des ténèbres versus Jules Verne, Voyage au centre de la Terre. Humboldt part à la recherche d'un ami qui s'est perdu en Amazonie, dans la jungle. Il part avec son carnet et à mesure qu'avance l'expédition, il se fiche ses notes pour pouvoir le retrouver. Mais ils vont être confrontés, lui et son assistante, la fille de Bonplan, celui qui s'est perdu, il s'appelle Bonplan, tu sais. Et les deux vont être confrontés à une tempête. Ils vont être confrontés à une expédition rivale prussienne. Donc un voyage dynamique, mettons. Dynamique, mais surtout là-dedans, c'est surtout le dessin. En fait, non. Le dessin reste quand même crayonneux, un peu à pastel, avec des teintes ocre un peu. C'est la narration. Le dessinateur adapte à chaque fois, à chaque événement de l'expédition, à chaque narrateur, parce qu'il y a différents narrateurs, il adapte cette narration-là et à chaque fois, il nous surprend par cette manière de raconter-là avec les événements qui se produisent. Écoute, ça a l'air de rien. Quand les albums sont sortis, le premier, j'avais lu rapidement. Et quand le deuxième est sorti, j'ai voulu recommencer au début. Alors, je suis reparti du premier album. Et j'ai vécu j'ai participé à cette expédition-là par l'entremise de cette narration très forte de ce dessinateur que... Moi, je connaissais pas Froissart. Je me rappelle plus de son prénom. Bref, une belle surprise. Mais bon, chez Futuropolis, les albums sont toujours un peu dispendieux, mais ça vaut la peine. Alors, ça, c'est le dernier voyage d'Alexandre Humboldt de Froissart et Leroux. Marco Duchesne, nous, on se dit à très bientôt. Ben, j'espère. Sans faute. Et nous, c'est ainsi qu'on termine l'édition de cette semaine. On se retrouve évidemment vendredi prochain. Vendredi, on aura l'occasion de passer 60 minutes avec le dessinateur Boulet. Alors, question de parler un peu de l'expérience de création web, entre autres choses. Alors, c'est un rendez-vous donc la semaine prochaine à compter de 17h30. C'était Raymond Poirier au micro. C'était un plaisir d'être avec vous sur les ondes du 89.1. Dans quelques instants, Jean-Sébastien Grondin prend le relève avec Soulfinger.